Bonjour ou bonsoir. Voici la lecture dans la lignée des précédentes d'un texte du collectif Cabriole qui vient de sortir ce jour même, le jeudi 27 janvier 2022, sur le site de Jeff Clack, jeffklak.org. Voici comment Cabriole le présente sur Twitter. Face à la pandémie, le camp des luttes doit sortir du déni. Ceci est un appel à combattre le déni partout, à étudier les liens entre le covido-négationnisme et la fascisation en cours, mais surtout à élaborer et à bâtir l'autodéfense sanitaire. Alors que la pandémie de Covid-19 fait rage et touche en premier lieu les catégories les plus discriminées de la société, le gouvernement français laisse filer et des centaines de milliers de nouvelles contaminations ont lieu chaque jour. En cette journée de mobilisation interprofessionnelle, le collectif Cabriole appelle à sortir du Covid-négationnisme et à nous emparer enfin des moyens de l'autodéfense sanitaire en s'appuyant sur l'histoire des luttes populaires en faveur de la santé communautaire, pratiques de prévention et de réduction des risques, grèves, autoréduction de masques FFP2, etc. Le texte a été écrit le 12 janvier 2022. Des centaines de personnes meurent chaque jour du Covid-19 depuis le début de l'année. Chaque jour. Des centaines de personnes sont admises chaque jour en soins critiques. Chaque jour. Des centaines de milliers de personnes se font infecter, dont une part importante sera touchée par des formes persistantes de la maladie. Ces chiffres ne sont pas des chiffres. Ce sont des vies. Nous le savions encore lors de la première vague. Nous le ressentions. Mais les vagues se sont succédées et nous avons oublié. Le gouvernement brandit les chiffres et allège le protocole. Nous sommes désormais au cœur de la vague encore. De nombreux et nombreuses scientifiques nous avaient avertis, étant donné la contagiosité de ce nouveau variant, quelle que soit sa virulence, cette vague serait un tsunami. Elle trouve en face d'elle un système sanitaire qui s'écroule, c'est-à-dire des soignants et soignantes, des hommes et femmes épuisés, évidés par la dévastation managériale, par 2 ans de pandémie et par son déni. Déni de l'enfer de leurs conditions de travail, déni de la gravité de l'épidémie et de celle de cette maladie qu'est le Covid-19. Et ce déni n'est pas, en France, le seul apanage d'un gouvernement qui mène une politique de darwinisme social assumé, ni de sa fausse opposition fascisante qui réclame à corps et à cri que ce programme crypto-eugéniste soit libéré de toute entrave. Ce déni est également partagé par une bonne part du camp des luttes, qui depuis 2 ans accepte que dans le monde d'après, 300 personnes parmi les plus précarisées de la population meurent chaque jour pendant des mois d'une maladie dont les moyens de prévention sont désormais connus. Ce déni du camp des luttes a d'importantes conséquences politiques et constitue sûrement la principale source de notre sidération et de notre impuissance. Car ce déni de la réalité de l'épidémie nous rend inaptes. D'une part, à comprendre comment celle-ci structure profondément la fascisation exponentielle qui l'accompagne, et d'autre part, à attaquer avec nos camarades zapatistes la gestion criminelle et irresponsable des gouvernements en proposant nos propres programmes d'autodéfense sanitaire inspirés de l'histoire des luttes, notamment celle du sida, et des mesures autonomes de santé communautaire mises en place partout à travers le monde par des communautés populaires et des réseaux de lutte qui n'ont jamais eu le luxe de se lever dans le déni. Pourtant, de part en part, l'épidémie est politique. Partout, le Covid-19 a infecté et tué majoritairement des personnes pauvres, des personnes racisées et des femmes. Ce sont les femmes, et pour beaucoup des femmes racisées, qui constituaient le gros des, entre guillemets, troupes, envoyées se faire infecter en première ligne lors des vagues successives de contamination et de mort. Les classes populaires sont celles qui connaissent les plus forts taux de maladies chroniques, celles dont les métiers essentiels et manuels ne peuvent être exercés à distance, mais également celles dont l'accès aux soins est le plus entravé. Entrave toujours renforcée par le racisme et le sexisme institutionnel. Les territoires les plus paupérisés sont ceux qui ont été les plus touchés par le Covid-19. Mais ce sont également les derniers à bénéficier du vaccin. Vaccins qui sont toujours réservés à l'usage exclusif des pays riches. La pandémie est entièrement structurée selon les rapports de domination qui gouvernent ce monde. Son déni est un luxe bourgeois, patriarcal, raciste et validiste. Aucune vague épidémique n'est une fatalité. Chaque vague est un choix politique. Il y a des gouvernements et des communautés populaires qui ont fait le choix d'agir systématiquement avant qu'une vague ne se forme, en menant des politiques de prévention proactives. Et d'autres, comme le gouvernement français, qui, passé la surprise de la première vague, ont systématiquement fait le choix de laisser la population se faire infecter massivement, appliquant en cela la feuille de route des réseaux climato-négationnistes de l'extrême droite libertarienne qui prône la politique eugéniste du « vivre avec ». Vivre avec, c'est accepter que toute la population, et plus particulièrement les classes populaires, et parmi elles ces franges les plus fragilisées que sont les femmes et les personnes racisées, mais aussi les personnes immunodéprimées, atteintes de maladies chroniques ou handicapées, vivent dans la peur, se fassent infecter, contractent des Covid longs ou en meurent. Les sophismes du déni. Du côté des luttes, passé les mois de la première vague et les envolées lyriques sur le monde d'après, la réaction à la crise sanitaire a été étonnamment faible. Alors que la circulation du virus mettait à nu les rouages des rapports de domination et le caractère criminel de la logique capitaliste, peu de collectifs et de mouvements ont pris à bras le corps ce qu'impliquait la situation épidémique. Bon nombre ont, au contraire, minimisé sa gravité pour se focaliser uniquement sur la crise du gouvernement, assimilant bien souvent sans nuance tout moyen de prévention à de la répression autoritaire. Le déni du Covid en milieu militant s'est structuré autour d'un certain nombre de sophismes, ces sortes de raisonnements qui n'ont de logique que l'apparence. Deux d'entre eux ont pris une importance particulière. Le premier de ces sophismes dit ceci. Les mesures de prévention, comme le confinement, ont été nécessaires à cause de la destruction du système sanitaire par les politiques néolibérales. Si tant de lits de réanimation n'avaient pas été fermés par la rationalisation managériale, l'hôpital aurait encaissé le choc et nous aurions poursuivi une vie normale. Ce raisonnement conduit à penser que la pandémie n'est pas intrinsèquement grave, mais qu'elle est devenue parce qu'elle s'est abattue sur un système sanitaire ravagé. S'il est indéniable que la destruction du système de soins a amplifié considérablement la violence pandémique, et d'abord pour les personnes les plus précarisées, ce raisonnement repose sur des implicites inquiétants. Le rejet du principe de précaution face à une maladie inconnue dans ses effets à moyen et long terme. Une banalisation des prises en charge en réanimation qui pourtant conduisent à plus d'un tiers de décès, sont toujours traumatisantes et entraînent de nombreuses séquelles. Et enfin, l'invisibilisation des Covid longs qui touchent au moins 10% des personnes infectées, même asymptomatiques, et ont des conséquences gravement incapacitantes. Cette lecture problématique, qui nie la gravité intrinsèque de la pandémie, a conduit les mobilisations à se focaliser exclusivement sur la juste exigence de moyens pour l'hôpital public, mettant complètement de côté la revendication, ainsi que la diffusion auto-organisée, de moyens de prévention efficaces visant à l'élimination du virus. Une politique émancipatrice et populaire d'autodéfense sanitaire ne devrait pas accepter que nous nous fassions infecter massivement, et encore moins que nous finissions en réanimation, mais devrait avoir pour objectif d'agir en amont, d'empêcher toute infection par un pathogène dangereux. Le second sophisme, peut-être le plus important, est celui-ci. Face à la vague de révolte mondiale qui a fait rayonner l'année 2019, les gouvernements occidentaux, fidèles à leur habitude d'agiter la terreur pour pacifier les populations indisciplinées, auraient sciemment exagéré la menace du Covid-19 pour discipliner les soulèvements populaires. Le virus offrirait une occasion de renouveler l'usage des techniques contre-insurrectionnel de gestion des populations précédemment employées dans le cadre de l'antiterrorisme. Au vu de l'usage intensif de ces méthodes de gouvernement ces dernières années, il est compréhensible que cette suspicion ait saisi celles qui les combattent. Partant de là, un grand nombre de camarades en ont tiré cette conclusion fallacieuse. La gravité de l'épidémie n'est pas réelle, c'est un prétexte à l'accroissement du contrôle. Et pourtant, à bien y regarder, on ne peut pas dire que les gouvernements se soient précipités sur l'occasion pour nous terrifier. C'est au contraire un déni sans nuance qui a dominé les premiers temps épidémiques. Macron nous invitant à nous rendre au théâtre, Trump nous assurant que la pandémie était un canular et Johnson se vantant de serrer les mains des malades. Ce n'est que acculés face à l'accumulation exponentielle des corps malades qu'ils se sont vus forcés de réagir dans la plus grande improvisation. Mais faut-il vraiment choisir entre négation et stratégie du choc ? Les gouvernements capitalistes le font-ils ? L'histoire de l'écocide et du bouleversement climatique nous apprend que non. Bien que la gravité de la menace du chaos climatique soit immense, le libéralisme autoritaire a très bien appris à s'en servir comme prétexte pour accélérer son programme liberticide et notamment la numérisation du monde et l'expansion du contrôle qu'elle induit, tout en ne faisant absolument rien en pratique pour l'enrayer, si ce n'est mimer l'action en empilant des mesures cosmétiques. Tout ce qui se joue depuis des dizaines d'années dans le rapport du commandement capitaliste à la menace climatique, s'est rejoué en accéléré face à la menace épidémique. Discours de façade, négation en pratique et usage opportuniste. Le principal piège dans lequel sont tombés les milieux militants est d'avoir cru aux écrans de fumée dressés par les gouvernants et gouvernantes, d'avoir pris pour argent comptant leurs discours de façade qui les posaient en dirigeants et dirigeantes rationnels, suivant des recommandations scientifiques, ce qu'ils et elles n'ont jamais fait. Et c'est ainsi que nous avons vu fleurir de mauvaises lectures de Foucault, allant jusqu'à qualifier, citation, d'hyper-rationaliste, un gouvernement qui affirme que les écoles ne sont pas des lieux de contamination, qui nie pendant plus d'un an le mode principal de transmission du Covid-19, l'aérosolisation, et qui prétend combattre l'épidémie par des moyens moqués de toutes et tous, le couvre-feu, le masque en extérieur et l'interdiction d'être debout dans les bars. Mais un autre signal de ce déni dans les milieux militants nous a semblé particulièrement alarmant. La reprise, dans la bouche de certains camarades, de la ritournelle eugéniste affirmant que le Covid-19 ne serait pas si grave car il n'affecterait que les personnes âgées et les personnes vulnérables, les constituant de fait comme des quantités négligeables. Si l'on se rappelle qu'en France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques, soit un tiers de la population, et que 20% des Français et des Françaises ont plus de 65 ans, on mesure combien le nombre de vies négligeables n'a, lui, à rien de négligeable. Quand bien même cela ne concernerait qu'une poignée de personnes, l'argument n'en serait pas moins abject, et la reprise d'une antienne d'extrême droite du côté des luttes, un signal qui devrait nous inquiéter au plus haut point. Le covido-négationnisme, ce carburant impensé de la fascisation. De manière assez étonnante, le phénomène majeur qui structure nos sociétés depuis 2 ans, aussi bien sur des plans économiques et géopolitiques que dans ses dimensions existentielles et psychopolitiques, demeure largement absent des analyses qui tentent de comprendre la progression fulgurante du fascisme ces 2 dernières années. La pandémie, puisque c'est elle, est comme l'éléphant au milieu de la pièce. Et cet éléphant détermine les mouvements de toutes et tous, car toutes et tous se contorsionnent pour ne pas le voir. Si les dynamiques de fascisation des sociétés occidentales gouvernées par le libéralisme autoritaire étaient bien avancées avant la pandémie, il semble que celle-ci a, partout, agi comme un catalyseur. Avec la centralité de la frontière dans les politiques de quarantaine, les réponses étatiques ont provoqué une accélération des nationalismes et des politiques racistes déjà fortement engagées. Mais ce sont les stratégies covido-négationnistes qui ont le plus contribué à nourrir ces forces funestes en réunissant gouvernants, gouvernantes et fascistes dans une même célébration morbide. Dès le début de la pandémie, les forces de l'extrême droite libertarienne se sont mises en branle pour nier la réalité de la pandémie. À l'avant-garde de ces mouvements, on trouve notamment les vastes réseaux libertariens de Koch Industries, une multinationale pétrolière et deuxième plus grande entreprise privée des États-Unis. Les frères Koch comptent parmi les premières fortunes mondiales et sont connus pour injecter des milliards dans les mouvements climato-négationnistes et les réseaux fascistes de l'alt-right. Terrorisé par la mise à l'arrêt de l'économie et la possible revalorisation des systèmes de protection collective que la crise sanitaire pouvait provoquer, ils ont réorienté toutes leurs expériences, leurs relations et leurs stratégies forgées pour nier la crise climatique vers la négation de la pandémie. Inondation d'Internet avec de la désinformation, production de pseudo-études de scientifiques indépendants et indépendantes, promotion de traitements dangereux comme l'hydrochloroquine, ces réseaux n'ont ménagé aucun effort pour exercer et diffuser leur savoir-faire. Et c'est jusqu'aux moindres éléments de langage du lexique viriliste des climato-négationnistes qui vont être accommodés à la sauce Covid, alors c'est des citations, hystérie alarmiste, propagande anxiogène, fanatique du virus, carbocentristes qui deviennent des virocentristes et les réchauffistes qui deviennent les enfermistes. Le Zetkin Collective a relevé trois formes de déni climatique qui s'appliquent tout aussi bien à la pandémie. Le déni pur et simple prôné par les groupes les plus fascisants dénonçant une plandémie. Le déni interprétatif porté par la droite libertarienne qui, tout en reconnaissant l'existence d'un problème, en minimise l'importance et la gravité, grippette, rhume. Seules les personnes vulnérables seront concernées. La prochaine vague n'existe pas. Et enfin, le déni implicatoire du néolibéralisme moderniste qui, tout en prétendant avoir une haute conscience du problème, ne fait absolument rien pour y répondre. L'extrême droite libertarienne va soutenir et financer la promotion de ces trois formes de déni qui convergent toutes vers un même objectif, faire tourner l'économie et continuer à démanteler toute forme de protection collective. En octobre 2020, alors que les États-Unis d'Amérique culminent à plus de 600 000 morts et mortes du Covid-19, apparaît la Great Barrington Declaration, un véritable appel de Heidelberg de la crise pandémique. Rédigé par des scientifiques proches des réseaux de Koch, ce texte qui revendique plusieurs milliers de signatures scientifiques, dont celle des docteurs Baguette de Pain, un des noms qui était donné, est un manifeste pour l'immunité collective par l'infection de masse. Minimisant la gravité de l'épidémie, qui, selon elle et eux, ne concernerait que les personnes vulnérables, il et elle dénigre toute forme d'intervention et de protection collective et préconise les écoles ouvertes et le vivre avec. C'est cette ligne qui sera propagée en continu par des organes médiatiques du libéralisme autoritaire en renouvelant leurs « experts » entre guillemets négationnistes au fur et à mesure que ceux-ci se voyaient démentis par les faits. Après les Perron et les Toubiana, viennent les Blachier et les Kierzek. C'est cette ligne qu'adopteront la plupart des gouvernements capitalistes, gouvernements français en tête. Faire tourner l'économie, quoi qu'il en coûte en termes de morts et de formes persistantes de la maladie. Continuer à détruire le système de soins en fermant des milliers de lits, en profiter au passage pour intensifier le traçage numérique de la population. Aucune imbécilité, entre guillemets, des têtes gouvernementales derrière ce choix, mais un programme, une stratégie. Aucun pari non plus, si ce n'est sur la colère. Et ce pari sur la colère, ils vont le remporter grâce au déni de la gauche radicale et des mouvements autonomes, libertaires, et avec une stratégie simple. Laisser se constituer comme seul mouvement d'opposition, un mouvement qui réclame à corps et à cri la fin de toute forme de protection collective qu'il appelle restriction. Un mouvement qui affirme tout haut un covido-négationnisme que le gouvernement applique déjà tout bas. Un mouvement qui, au fond, demande au gouvernement d'aller plus loin dans son propre programme eugéniste et ultra-libéral, le mouvement anti-masque, anti-confinement, anti-vaccin, bref, pro-virus et anti-prévention. C'est que la France n'occupe pas une place anodine dans le lancement mondial de l'offensive covido-négationniste. En février 2020, un microbiologiste marseillais très implanté dans les réseaux de la droite ultra-libérale et connu pour son climato-négationnisme assumé, se lance dans un coup marketing d'envergure. Quelques jours après avoir affirmé que le coronavirus ne ferait pas plus de morts que les accidents de trottinette, Didier Raoult annonce sur la base d'une étude frauduleuse qu'il a découvert le remède au Covid-19, l'hydroxychloroquine. Ce contre-feu médiatique typique des marchands de doute va être unanimement salué par les réseaux internationaux de l'extrême droite libertarienne qui vont partout relayer la nouvelle pour nier la pandémie et s'enrichir avec ce traitement inefficace et dangereux. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron apporte son soutien à Didier Raoult en lui rendant visite chez lui à l'IHU Méditerranée. En septembre 2021, alors qu'au Brésil, la mafia étatique de l'hydroxychloroquine liée à Raoult est poursuivie pour crime contre l'humanité, Macron renouvelle son soutien en déclarant, citation, « Il faut rendre justice à Didier Raoult qui est un grand scientifique. » Fin de citation. Ce soutien du président français à l'icône mondiale de la désinformation médicale ne s'est jamais démenti. Il est même avéré que Macron a régulièrement pris son conseil auprès du « gourou da cloroquina », comme le disent les Brésiliens et Brésiliennes. Dans un incroyable retournement de sens, rendu possible par le déboussellement pandémique, ce mandarin de l'industrie médicale va être transformé en héros de la contestation, si bien que, comble du paradoxe, l'on trouve à même un certain nombre de publications de gauche radicale et du mouvement révolutionnaire pour relayer une défense du personnage et de son traitement. Les mouvements de désinformation anti-prévention deviennent alors les seuls à s'organiser et à manifester pour contester le gouvernement sur le terrain de la gestion épidémique. Et donc, les seuls à même de capter la colère qui sourd de toutes parts, ainsi que la désorientation générale qui succède au confinement du printemps 2020, à la gestion chaotique du gouvernement et à ses mensonges répétés. Par ailleurs, il faut ici soulever une hypothèse psychopolitique. Si le bouleversement climatique pouvait encore être vécu comme quelque chose de lointain par la petite bourgeoisie occidentale, malgré des incursions de plus en plus fréquentes dans ces territoires d'habitation, la pandémie est le premier choc total et d'une violence inédite, venant faire vaciller les bases mêmes de son mode de vie impérial. Ce choc, les affects de la crispation et de défense farouche d'une position dominante qu'il sécrète, devrait faire l'objet d'une attention particulière pour penser les processus de fascisation en cours. Dès le mois de janvier 2021, ces mouvements anti-prévention commence à prendre la rue à l'appel d'une part de Florian Philippot, leader du parti d'extrême droite, les Patriotes, qui initia en France l'immonde usage de l'étoile jaune dans les manifestations anti-vaccination, et d'autre part, et de manière bien plus importante, du collectif de désinformation médicale Réinfo-Covid, très lié aux catholiques intégristes, à plusieurs mouvements sectaires, mais surtout au réseau néo-nazi de la mouvance antisémite d'Alain Soral. Ce dernier affirme, sans surprise, depuis le début de la pandémie, que celle-ci, à l'instar de la crise climatique, est un, citation, complot sioniste. Fin de citation. Ouais. Les animateurs et animatrices de ces mouvements sont de fervents et ferventes admirateurs et admiratrices de Didier Raoult, propage les mythes écofascistes de l'immunité naturelle et l'appel à des communautés enracinées, et sont bien souvent des rentiers et rentières du marché ultra-libéral du coaching et des médecines alternatives. Réinfo-Covid organisera des rassemblements contre les mesures sanitaires et la vaccination dans de très nombreuses villes de province, réunissant régulièrement plusieurs centaines de personnes. C'est sur ce terreau de mobilisation anti-prévention menée par des leaders d'extrême droite qui, par leur omniprésence sur les réseaux sociaux, inondent Internet avec leurs discours covido-négationnistes et antisémites, que se constituera le mouvement contre le pass sanitaire. Ces précédents auraient dû interdire toute comparaison avec le mouvement des Gilets jaunes, qui, aussi hétérogène qu'il fût, n'était pas directement précédé d'un mouvement idéologiquement et hiérarchiquement structuré. Et pourtant, c'est ce parallèle que mirent en avant un certain nombre de critiques radicales, allant même jusqu'à voir dans les conspiracistes des révolutionnaires en devenir, tout comme d'autres avant elles avaient réussi à faire de l'antisémitisme un, entre guillemets, un anticapitalisme tronqué. Et c'est donc avec effroi que l'on a pu voir de nombreux groupes militants défiler sans sourciller aux côtés d'une extrême droite galvanisée qui trouva là l'occasion d'exprimer son antisémitisme de manière débridée. Si attaquer ce nouvel avatar du contrôle et de la ségrégation numérique, qui n'a de sanitaire que le nom, était évidemment d'une nécessité absolue, penser le faire en rejoignant ce mouvement fut un pari pour le moins périlleux, si ce n'est suicidaire. Un mouvement qui, loin de s'en prendre au dispositif de contrôle, affublait des médecins de moustaches d'Hitler, agressait et menaçait de mort des soignants et soignantes, attaquait des pharmacies, envahissait des hôpitaux et brûlait des centres de vaccination, sans jamais se faire inquiéter par un gouvernement trop content de se voir ainsi secondé dans son déni de la pandémie et sa tâche de destruction du système de soins. Parallèlement, le nombre d'agressions fascistes et de profanations antisémites bondirent, et l'on dénombra parmi les réseaux et groupuscules armés d'ultra-droite, démantelés quasi hebdomadairement à l'automne 2021 pour préparation d'attentats, de nombreuses personnes mobilisées dans les mouvements anti-prévention proches des réseaux antisémites de Réinfo-Covid. À celles et ceux qui peignent le combat antifasciste comme dépassé à l'heure de la cybernétisation du monde, nous rappellerons seulement que les deux géants de la Silicon Valley et cofondateurs de PayPal, Elon Musk et Peter Thiel, à l'instar d'autres patrons et patronnes de la Valley, se sont farouchement opposés depuis le début de la pandémie à toute mesure de protection, Le premier a maintenu ses usines ouvertes illégalement et en a profité pour rallier le trumpisme. Le second, proche conseiller de Trump et vieil ami de l'un des rédacteurs de la Great Barrington Declaration, est un partisan et un grand soutien financier du suprémacisme blanc, de l'alt-right et des projets cyber-eugénistes du transhumanisme. En Thiel et en l'alt-right, cette extrême droite libertarienne qui sert de modèle à l'Empire Bloré, l'accélérationnisme suprémaciste et l'accélérationnisme cybernétique s'imbriquent parfaitement. Le chaos, tous les cybernéticiens et les cybernéticiennes le savent, produit de l'information, la valeur suprême. D'ailleurs, la société de renseignement par analyse de Big Data Palantir Technologies, notamment connue pour soutenir technologiquement l'administration américaine dans sa traque des migrants et migrantes clandestins et clandestines, a offert gracieusement ses services pour la supervision de l'épidémie et le déploiement des vaccins dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, mettant ainsi la main sur des données de santé de millions de citoyens et citoyennes. Peter Thiel est le fondateur et l'actionnaire principal de cette société. Le covido-négationnisme a donc deux faces, qui mettent en scène leur opposition pour mieux nous mener dans une impasse ultralibérale, eugéniste et raciste. Le capitalisme du désastre, à l'instar de ses politiques en faveur du dérèglement climatique, mène des politiques pro-virus et se réjouit du chaos pandémique. La crise, on commence à le savoir, est devenue son mode normal du gouvernement. Sa manière de provoquer la sidération pour extraire encore de la valeur en étouffant les milieux vivants et nos vies. Face à cela, nous n'avons qu'une issue, prendre au sérieux la pandémie. Bâtir l'autodéfense sanitaire. Abandonner le terrain de la lutte contre la pandémie, c'est donc laisser l'extrême droite porter le flambeau de la contestation, mais c'est aussi offrir à l'État le confort de se présenter face à ces mouvements anti-prévention qu'il a sciemment laissé prospérer comme le seul acteur raisonnable, et ainsi le rendre désirable pour la majorité de la population, les fausses solutions cybernétiques qu'il nous impose. Combattre le pass sanitaire et le monde qu'il produit, les combattre véritablement, ne pourra se faire sans combattre la négation de l'épidémie qui, d'où que vienne cette négation, nourrit les forces fascisantes. Combattre la gestion autoritaire du gouvernement ne pourra donc se faire sans élaborer positivement nos propres pratiques d'autodéfense sanitaire. Pour cela, nous avons le trésor de l'histoire des luttes populaires, qui, loin de faire de la science une religion, ont su tirer le meilleur parti des connaissances scientifiques et médicales pour combattre les systèmes de domination et soigner la croissance des forces révolutionnaires. De même que nous ne pouvons pas raisonnablement envisager d'attaquer les politiques écocidaires qui ravagent la planète sans, dans le même temps, œuvrer à construire des mondes habitables, nous ne pourrons combattre le « vive la mort » des fanatiques de l'économie sans élaborer nos propres manières de soigner des vies. À commencer par celles que le capitalisme invisibilise et tient pour quantité négligeable. Les mouvements de lutte et d'émancipation sont riches d'histoires, de réappropriation collective, des pratiques de soins et des savoir-faire médicaux. Des Free Clinics des Black Panthers et des Young Lords au réseau clandestin d'accompagnement à l'avortement du mouvement féministe et à ses pratiques de self-help, de l'épidémiologie de combat développée par ACT UP aux actuels centres de santé communautaire, les luttes populaires ont su inventer un rapport politique aux soins qui, partant des conditions sociales vécues et prenant pour base les connaissances scientifiques, décloisonne les positions d'expertise pour faire du soin un objet commun d'élaboration. C'est cet héritage vivant de la santé communautaire que des réseaux de lutte et des communautés populaires partout dans le monde ont su brandir dès les premiers temps de la pandémie. Dans de nombreux pays, des brigades de solidarité populaire se sont organisées pour fournir du matériel de protection sanitaire aux travailleurs et travailleuses en première ligne. Des milliers de femmes se sont mises à coudre des masques pour combler l'incurie étatique et approvisionner les soignants et soignantes. Dans les favelas brésiliennes, des habitants et habitantes en lien avec des associations et des médecins ont mis en place leur propre procédure de tester, tracer, isoler et ont obtenu des résultats édifiants. Au Chiapas, nos camarades zapatistes ont, dès mars 2020, annoncé leurs propres mesures de confinement communautaire et appelé les peuples du monde entier à organiser l'autodéfense sanitaire face à la négligence criminelle des gouvernements capitalistes. Pour combattre la pandémie et sa gestion autoritaire, nous devrons réussir à articuler plusieurs plans. D'abord, il nous faut dès à présent faire émerger de multiples fronts de lutte contre la politique pro-virus du gouvernement, ses injonctions moralisatrices individualisantes et sa tentative de diversion qui voudrait faire des non-vaccinés les principaux responsables d'une situation criminelle qu'il a entièrement produite. Comme pour la lutte climatique, tous les moyens de pression populaire doivent être jetés dans la bataille. Il en va de nos vies et de celles des personnes immunodéprimées et celles atteintes de maladies chroniques, mais aussi de celles des enfants qui sont aujourd'hui massivement exposés au virus. Car il ne faut jamais l'oublier, les conséquences à long terme d'une infection par ce virus sont encore inconnues. Et à côté du nombre inacceptable de formes graves et de décès, il y a le continent, volontairement invisibilisé par le pouvoir, des Covid longs, qui touche une part considérable des infectés à tout âge. Demain, le 13 janvier 2022, un grand mouvement de grève est annoncé dans l'éducation nationale pour lutter contre l'absence de protocoles sanitaires et la destruction de l'école par Jean-Michel Blanquer. Ce mouvement doit tout aux enseignants et enseignantes, aux parents et associations qui, depuis des mois, alertent sur la mise en danger de millions d'enfants et de personnel scolaire et combattent cet organe majeur de désinformation qu'est la Société française de pédiatrie. Ce sera la première fois en 2 ans de pandémie que les syndicats appellent à une action d'envergure pour que la santé des travailleurs et travailleuses et des usagers et des usagères soit protégée. En cela, elle et ils marchent dans les pas des premiers et premières à avoir construit un rapport majeur à l'épidémie. Les lycéens et lycéennes qui, à l'automne 2020, multipliaient les blocages pour exiger la fermeture des lycées et des écoles tant que les fonds assurant la sécurité des enseignants, de l'administration et des élèves ne seront pas débloqués avec mise à disposition de masques et de matériel ainsi que la mise en place d'un réel protocole sanitaire. Là, c'est issu de la revendication de l'époque. Les grèves et les blocages sont en effet particulièrement indiquées pour lutter contre les politiques pro-virus. Ils font chuter les taux de contamination tout en faisant pression sur le gouvernement. Les camarades enthousiastes du journal CQFD résument « La grève, best mesure anti-Covid ever ». Tous les principaux lieux de transmission du virus sont fermés, transports, écoles, fac, entreprises, commerce, réduction des risques en étant dehors, au grand air, pour manifester et cerise sur le gâteau, on destitue Macron. Sans attendre la fameuse grève générale, nous pouvons initier partout des grèves et des blocages pour refuser collectivement de travailler et d'étudier dans des lieux non protégés. On peut faire grève contre un virus et ses complices au pouvoir, définitivement. Il en va même d'une nécessité vitale. Ensuite, il nous faudra élaborer une approche globale de lutte contre la pandémie qui vienne soutenir et nourrir ce mouvement offensif. Cette approche globale, si elle veut se tenir à distance de toute gestion autoritaire, pourra s'inspirer de la plus grande expérience française de lutte pour la santé communautaire, celle de ACT UP et la lutte contre l'épidémie de sida. En avril 2020, des acteurs et des actrices de la lutte contre le sida, interpellant le Conseil scientifique, attaquaient une, citation, « politique qui pénalise, culpabilise, exclut ». Fin de citation. Et nous rappelait que ce qui avait fait le succès de cette lutte était, à nouveau citation, la révolution du rapport entre savoir et pouvoir. Elle était opérée en faisant des malades les premiers acteurs et actrices de l'élaboration des politiques sanitaires. À nouveau une citation. La seule lutte efficace, celle qui lie de manière indissociable santé publique et droits humains, qui refuse de confier le pouvoir aux seuls scientifiques ou aux seuls politiques, qui fait de la participation des citoyens et de l'inclusion des populations minoritaires, démunies ou ostracisées, la clé du succès. Fin de citation. Il et elle donnait à penser ce qui aurait pu être une guerre véritable contre le Covid-19, réquisition des stocks et des chaînes de production de matériel sanitaire, réquisition de bâtiments publics et d'hôtels pour loger les SDF et proposer un isolement aux personnes infectées, fermeture des centres de rétention administrative, mais surtout, implication des communautés à tous les niveaux de la réponse sanitaire et multiplication des approches spécifiques aux contextes sociaux. C'est suivant la même volonté de penser une approche globale anti-autoritaire qu'un collectif soutenu par des acteurs et des actrices des luttes a proposé il y a un an une importante synthèse intitulée « Zéro Covid solidaire ». Refusant le... Là, il va y avoir plein de citations, je ne vais pas m'arrêter à chaque fois. Donc, refusant le darwinisme social qui nous demande de sacrifier les personnes les plus fragiles face au Covid-19 et convaincu que l'on ne parviendra réellement à endiguer le virus que si les mesures mises en œuvre le sont de manière sociale, solidaire et volontaire, cet appel mêle avec intelligence une approche communautaire et un objectif zéro Covid. Contrairement à la politique eugéniste du vivre avec, l'objectif zéro Covid vise l'élimination complète du virus région par région. Pour ce faire, la stratégie zéro Covid solidaire implique de faire chuter drastiquement les taux de contamination, notamment en mettant temporairement à l'arrêt les activités économiques non essentielles, ainsi que les lieux d'apprentissage, pour arriver à une situation où chaque cas puisse être tracé individuellement. Plutôt que par des mouchards technologiques, ce suivi des cas pourrait être effectué par des équipes d'arpentage épidémiologique mobile qui prendraient en charge les tests ainsi qu'un véritable travail d'information et de prévention. Cette stratégie nécessite de mettre en œuvre une coordination interrégionale à une échelle transnationale, ainsi que l'expropriation de financements auprès des grandes fortunes, des entreprises et des transactions financières pour garantir à toutes et tous un revenu minimum. Cette proposition ne se présentait pas comme un programme définitif, mais comme une invitation au débat et à la discussion. Celle-là même que nous devons poursuivre. Enfin, il est désormais plus que nécessaire que le camp des luttes, la gauche radicale et les mouvements autonomes et libertaires se placent à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie, en se réappropriant les outils de prévention et de réduction des risques et en les intégrant dans ses pratiques quotidiennes, ses espaces de vie et d'organisation. Pour cela, il sera nécessaire de multiplier les ateliers d'éducation populaire et diffuser massivement les connaissances scientifiques et les pratiques adéquates à la lutte contre le virus. Seule l'émergence de forces qui mettent le soin et la prévention au cœur de leurs pratiques et qui porte un discours clair et fondé scientifiquement, nous permettra de trancher dans la confusion et donc de combattre la désinformation et la séduction des récits négationnistes. Aujourd'hui, orienter nos pratiques de prévention impose de partir des connaissances les mieux établies. Les vaccins existants sont efficaces contre les variants connus et l'immense majorité des contaminations se fait par voie aérienne. Pour reprendre les mots d'une récente et importante lettre ouverte partant de pandémie, lecture précédente, le vaccin est nécessaire mais non suffisant. Que nos milieux soient ambigus, voire carrément anti-vaccins, est un naufrage. Le vaccin est nécessaire car il réduit les formes graves et le risque d'hospitalisation. Il est insuffisant car il n'annule pas la nécessité des autres mesures, masques, ventilation. Il nous faut donc d'une part nous battre pour que tout le monde puisse avoir accès aux vaccins qui sont aujourd'hui exclusivement réservés aux pays riches, mais surtout aux riches des pays riches. Mais il nous faut également développer une juste compréhension du principal mode de contamination du virus. Celui-ci se transmet comme la fumée que l'on inhale par le biais des aérosols que l'on émet lorsque l'on mange, parle ou simplement respire. Ces aérosols s'accumulent dans l'air en l'absence d'aération et leur taux de concentration ainsi que le temps d'exposition augmentent le risque de contamination. Notre effort devra donc porter sur l'importance de l'usage des masques en intérieur et sur celle d'une aération régulière. Il y a là tout un champ de recherche low-tech à explorer pour produire nos propres purificateurs d'air et nos systèmes de ventilation de manière autonome. Mais il y a aussi des caisses de mutuelles sanitaires à créer pour pouvoir s'équiper en matériel de protection, soutenir les personnes isolées et appuyer les mouvements de grève. Et pour lutter efficacement pour la gratuité des seuls masques réellement protecteurs, les masques de type FFP2, rien de tel que de s'organiser pour arracher cette gratuité dès maintenant, en lançant par exemple des campagnes coordonnées d'autoréduction dans des supermarchés. Tout nous indique que cette pandémie ne sera pas la dernière. La victoire du pouvoir est de nous anesthésier, de faire de nos vies des chiffres, de transformer nos morts et mortes en une macabre comptabilité, de nous rendre sourds et sourdes aux peurs et aux douleurs de celles et ceux qui nous entourent. Notre tâche est d'affûter notre sensibilité. Seules des forces prenant soin de leurs faiblesses seront à même de mener des assauts conséquents. Face au capitalisme du désastre et à ses convergences fascistes et cybernéticiennes, il s'agit de faire exister dans nos villages et nos quartiers, j'ajouterai nos immeubles, des formes ouvertes de communautés, mues par l'attention portée à la vulnérabilité. Un communisme du soin. Le collectif de la parole errante définit ce communisme comme une approche élargie du soin, où la communauté sociale elle-même se fait soignante. Le potentiel soignant du peuple, disait le psychiatre Lucien Bonafé, à l'opposé de toute gestion de la population. Même le communisme est quotidien. Signé Cabriole. Carnet de recherche pour l'autodéfense sanitaire face au Covid-19. Et vous pouvez retrouver Cabriole sur le site cabriole.noblogs.org et sinon sur Twitter avec le compte cabriole1212 en toutes lettres. Voilà, c'est la fin de cette lecture, longue lecture d'un texte qui fait du bien. Et puis il va y en avoir d'autres dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution, parce qu'il y en a quand même enfin quelques-uns qui apparaissent sur ces notions d'autodéfense sanitaire, de santé communautaire, de grève pour foutre en l'air cette pandémie, parce qu'effectivement, depuis 2 ans, c'est à peu près la seule solution qui soit tenable en réalité. Mais pour faire la grève et pour stopper la diffusion, il faut permettre aux personnes qui doivent s'arrêter de s'arrêter. Et pour ça, effectivement, il va falloir faire des caisses de grève, entre autres. Et puis plein de solidarité. Vous allez donc pouvoir retrouver ce texte sur le site de Jeff Clack à l'adresse www.jeffclack.org avec le titre « Face à la pandémie, le camp des luttes doit sortir du déni » ou peut-être en cherchant tout simplement le collectif Cabriole, Cabriole au pluriel. Et puis pour ces lectures, parce que je ne pense pas assez souvent à le dire, donc je vais essayer d'y penser désormais de manière systématique, vous pouvez les retrouver sous le compte Caracol, K-A-R-A-C-O-L-E, sur le site archive.org, archive au singulier, .org. Voilà, bah, écoutez, on se dit à bientôt. Et puis, bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit, en fonction du moment où vous vous trouvez. Au revoir.